Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosecrans.com pour le numéro 59 de Sur nos écrans, le bilan de saison que vous attendez sans doute le plus cette année, puisqu'il s'agit de Gotham, saison 2. Un bilan de saison de la série de la Fox qui avait provoqué moult remous la saison dernière avec notamment, on s'en rappelle, un affrontement épique entre Arnaud et Léo. Je suis Mathieu et vous allez écouter le bilan de la saison 2 de Gotham. My name. Is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. The dead will disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gotta catch on. Et avec moi cette semaine, Léo. Salut. Et c'est tout. Le seul et irréductible. Voilà, on n'est plus que deux. On est plus que deux survivants à regarder cette série de la Fox. Donc on n'aura pas, ça c'est sûr déjà, on n'aura pas le clash avec Arnaud. Cette semaine. On a déjà eu quelques clashs hein, sur les bilans précédents. Donc, écoute. On va voir, hein, parce que ça se trouve, ça va clash entre nous. Hein. Je suis curieux de. Puisque j'ai beaucoup parlé de Gotham cette année, mais finalement, j'ai jamais donné mon avis. Ah, mais oui, mais tu es le roi pour dissimuler ton avis, alors. C'est ça, on va voir ça alors. Allez, bah écoute, Léo, est-ce que. Pff, on va pas faire de suspense inutile. T'as aimé Gotham, donc dis-le nous en deux, trois mots. Oui, j'ai aimé cette saison, plus encore même que la précédente. J'ai trouvé ça vraiment bien rythmé, bien foutu, bien tenu hein, au niveau des intrigues, des personnages, de leur évolution, l'introduction de nouveaux personnages. Et puis surtout, comme il n'y avait plus cette histoire d'épisode par épisode, ça fait un vrai fil rouge à la série et ça lui permet vraiment d'embrasser son côté comics. Ouais. Pour ma part. Alors oui, clairement, c'est bien mieux que la première saison. Ça, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Voilà. C'est mieux écrit. C'est pas forcément mieux joué. On en parlera quand on parlera des acteurs et des personnages. C'est pas forcément mieux joué, mais en tout cas, c'est mieux écrit. Il y a des intentions un peu meilleures. Maintenant, voilà, il y a quand même. Encore beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne me plaisent pas, et qui m'ont fait un peu bondir pendant toute cette saison. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Voilà, pour le moment, j'en suis sûr, c'est mieux que la saison 1, c'est clair. C'est déjà pas mal. Mais j'irai pas dire que c'est bien non plus. C'est mieux. C'est déjà pas mal. Dégaine des trucs qui t'a pas plu. C'est déjà pas mal. Bah, on va faire la structure habituelle, hein, personnage, scénario et tout. Enfin, okay. Personnage, évolution de l'intrigue, de la saison et tout ça. Personnage, on peut peut-être commencer, bah, évidemment, par Jim Gordon, puisque c'est quand même ouais. Le personnage central de la série. Mmh. Jim Gordon qui en a vécu des vertes et des pas mûres cette année. Ah, mais il a tout vécu. Il a eu un nouveau boss. Il est devenu chevalier en croisade envers. Il a joué le tronc libre. Oui, il aura tout vécu, Jim Gordon. Son histoire avec Barbara a refait surface à un moment. Son histoire avec Lee Tompkins a été elle aussi pleine de remous. D'une manière générale, voilà ce que moi j'ai envie de dire, ça, c'est valable pour ce personnage, mais c'est aussi valable pour un peu toute la saison. Certes, il y a plein de trucs que j'ai pas aimé, certes, il y a plein de trucs que je trouve mauvais, mais en tout cas, on ne s'est pas ennuyé. Non, on s'ennuie pas. Et Jim Gordon, vu qu'il vit énormément de choses, voilà, c'est ça qui fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. C'est lui vraiment qui prend tout et il reste toujours intéressant de ce point de vue-là et ça permet à la série de garder de son intérêt aussi. Après, on a. On va continuer peut-être dans l'ordre un peu d'importance des personnages dans la saison et on va voir que c'est pas ceux qui sont les plus importants. J'ai envie de placer le pingouin maintenant. Ah, mais moi, c'est mon petit chouchou. Moi. Ah oui, c'est bien. Mais là aussi, il y a eu vraiment un côté comics qui s'est un peu en suivi là, puisque en même temps que le fil du pingouin, c'est-à-dire ce tu vois, un peu meurtrier qui est censé avoir des moyens incommensurables dans les comics et qui du coup emmerde Batman grâce à ça, là avec l'histoire qu'on nous a sortie, c'est-à-dire l'internement chez Hugo Strange, le fait qu'il perde son instinct criminel, on en reparlera, mais après tout ce truc de... d'avoir rencontré son père biologique qui provoque vraiment quelque chose de en lui pour lui qui cultive vraiment un côté filial très fort et qui renforçait que le meurtre de sa mère d'ailleurs dans la saison. Ça permet après, avec en plus donc cette histoire de la belle-mère un peu pain bêche, etc. Bon, un peu du classique, mais qui fonctionne selon moi pour continuer à développer la veine du personnage, qui ensuite donc réactive ses instincts criminels à la mort de son père, qui lui permet donc, enfin, et donc qui le fait tuer donc sa belle-mère et donc le place à la tête d'une maison plutôt riche, etc. Ça, à la fois ça embrasse le côté comique, ça rappelle vraiment tout ce qu'est le personnage et tout ce qu'il représente dans une version plus canonique, et à la fois la veine pingouin, celle de s'être vraiment bâti par lui-même au gré des événements, au gré de tout ce qu'il a subi, je trouvais que c'était vraiment pas mal agencé. Alors que moi, le pingouin, je l'ai trouvé absolument raté pendant toute la saison. C'était une catastrophe, ce personnage. C'est-à-dire qu'on avait en saison 1 ce pingouin qui prenait les commandes de la pègre, qui, voilà, il y avait vraiment, du coup, quelque chose du pingouin mafieux, qui va même rivaliser avec Falcon et compagnie. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui ressemblait vraiment au pingouin qu'on connaissait, mais qui arrivait beaucoup trop tôt dans son histoire. Parce que c'est pas à ce moment-là qu'il est censé être à cette position-là. Et ben, du coup, cette année, on revient complètement en arrière et au final, on l'a vidé de toute sa substance en lui enlevant son côté criminel avec un twist autour de Strange et tout, enfin, une intrigue autour de Strange qui lui enlève, qui le guérit de sa criminalité et compagnie. Okay, ouais, après on lui redonne son père, ouais, enfin, tout va à contresens par rapport à ce qui était dans la saison 1 et par rapport à ce qu'il est censé être vraiment. Donc du coup, on a dû s'apercevoir que ça allait trop vite autour de lui, bah, du coup, on a ralenti en allant complètement à l'envers et au final, bah, il est raté, il marche plus, quoi. Il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus comme le... Bah, comme le pers- on a l'impression que c'est un autre personnage qu'on nous a présenté. Bah, en fait, on nous l'a un peu rebooté avec cette histoire de... Ils ont voulu en faire un cas, à mon avis, un peu significatif, dans le sens où c'est le pingouin, celui qui en chie le plus, mais c'est celui qui a l'espèce de potentiel criminel, etc., le plus fort. Et en fait, là où je te rejoins... vraiment très partiellement, parce que bon, c'est qu'à la fin, du coup, une fois qu'il a tué sa belle-mère, il disparaît un peu, enfin, il est très sporadique dans ses apparitions, quoi. Il revient, il bute Galavan, et puis basta, quoi. Et autrement, il fait plus grand-chose. Et en fait, c'est un loser, c'est juste un loser cette année. Bah, il se fait, ce qui était intéressant, en tout cas, c'était de le mettre en rapport avec Galavan et montrer que les techniques de Galavan le ringardisent un peu et montrent, bah, que c'est pas juste un coup de violence et d'envoi de mercenaires chez quelqu'un que, voilà, tu gagnes. Galavan a représenté une espèce d'opposition de style. Mais après, aussi lent que ça ait pu paraître, ils ont voulu, du coup, à la fois le punir donc en l'envoyant chez Strange, mais ensuite et juste le replacer là où il doit être dans les comics, c'est-à-dire à la tête d'une maison assez riche. Et ils sont repartis sur des trucs familiales. Donc là où je te rejoins un peu, c'est qu'en effet, ils sont allés un peu en zigzag. Ils n'ont pas fait quelque chose dans la saison 1, ils ont un coup d'arrêt et ensuite ils sont repartis. Ça, oui. En effet. Et du coup, entre les deux pingouins qu'on a eus, parce que pour moi, ce n'est pas du tout le même personnage entre la saison 1 et la saison 2, autant celui de la saison 1 pouvait éventuellement vaguement faire penser à ce qu'on a dans la version originale du pingouin, autant là, dans cette saison 2, il n'y a rien. Bah, enfin, moi, j'ai rien retrouvé du pingouin comics que toi, tu as retrouvé. Rien. Dans le fait qu'il soit il est placé à la tête de maison et tout ça, mais il est placé à la tête de rien du tout. C'est vrai, t'as raison. Il récupère rien. Enfin, il est plus loser que les losers, quoi. Enfin, c'est. Il redevient un petit chef de la pègre à la fin. Butch. Il récupère un peu sa place qui était celle avant de se faire interner. Peut-être, bah pour lui en tout cas, c'est une année pour rien et c'est un peu du gâchis. Enfin, clairement sur ce personnage, ils ont fait un peu n'importe quoi. Bon, je sais pas, c'est radical que toi, mais oui, là, enfin, tel que tu le dis, en effet, non, il y a, bah, c'est un peu trop zigzag, ce que je te dis. Enfin, c'est assez, voilà, ils l'ont un peu torturé le personnage dans tous les sens du terme. Et c'est clair. Le Riddler. Je te laisse parce que c'est ton personnage préféré. Enfin, t'aimes le personnage originel. Un de mes vilains préférés dans l'univers Batman, c'est vrai. Il a eu cette évolution. Voilà, il est passé, ça y est, cette fois, clairement du côté obscur, on va dire, du côté maléfique. il utilise son point d'interrogation vert. Voilà, il a pris quelques signes du Riddler. Mais c'est un Riddler en carton-pâte. C'est un Riddler qui ne fait pas de devinettes. Il en fait tout le temps. Tout le monde se fout de sa gueule. Non, maintenant il fait des blagues, mais tu regarderas bien, il ne fait plus d'énigmes, il fait des blagues. Parce que faire des blagues monsieur, madame ou des conneries comme ça, c'est pas les énigmes de Riddler. Même quand il a son épisode où il est un peu au centre de tout, où il va piquer un tableau, etc., on essaye vaguement de te faire passer ça pour une énigme, alors que non, quoi. Bon, j'ai pas trouvé ça si mal foutu. Après, le truc, c'est que c'est ce qu'est Gotham et c'est ce qu'elle nous promet, c'est-à-dire des villains to be, quoi, des ceux enfin des les, le comment dire le début de ce que va être l'univers Batman, quoi, enfin la Ouais. vision fantasmée telle que proposée par les producteurs. Enfin, Donc Bruno Heller, notamment. Moi, du coup, ouais, le Riddler, bah non, non. Ah, oui, il va prendre son point d'interrogation. Oui, il va devenir un peu maléfique et certes, très intelligent. Là, il y a le côté très intelligent, brillant, manipulateur. Voilà, il arrive vraiment à manipuler les gens et les situations pour arriver à ses fins et notamment à faire tomber Gordon quand même, voilà, d'une manière assez machiavélique. Ça, de ce côté-là, voilà, cet épisode-là où il a fait tomber Gordon. Voilà, c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus plu cette saison. Parce que vraiment, là, il y avait un plan, il y avait quelque chose de construit, d'intelligent. Voilà, il y avait un méchant qui était un peu crédible en face, quoi, et qui était intéressant. Mais après, de là à dire que c'est le Riddler, non, on n'y est pas. Bah, c'est pas encore le Riddler, et je pense pas, et d'ailleurs, il se prétend pas être comme Pas tel. encore, D'ailleurs, non. bah, c'est le seul qui est le nom, un nom canonique, etc., c'est le pingouin, mais lui, ça reste seulement Edward Il Nygma, c'est y en pas a un encore le autre, on en Riddler. parlera après. Mais oui, il n'a pas encore ce nom de Et Riddler, oui, un autre. effectivement. Voilà. Donc, c'est un Riddler to be, et de ce point de vue-là, bah, c'est plutôt pas mal. En fait, le pingouin et le Riddler ont en commun cette capacité à avoir déjà cet instinct criminel très vite, et donc cette espèce de fougue et de naïveté, même d'hubris, d'orgueil, qui font que bah, ils se jettent dans les trucs, ils montrent un petit peu leur capacité, celles qui vont être celles qu'on connaît dans les comics, mais qui en général se fait rapidement punir parce que pas seulement parce que on est au début de l'univers DC Comics, l'univers Batman, etc., mais aussi parce que ils sont pas prêts clairement. Enfin, ce sont pas encore des vrais ou des trucs, tu vois, qui vont vraiment donner du fil à retordre comme ils donnent du fil à retordre à Batman. Le Riddler en fait une espèce d'étincelle ici parce que il bat Jim Gordon à son propre jeu, tu vois, dans une espèce de jeu d'échecs, voilà, mais c'est pas encore complètement un Riddler. D'ailleurs, à la fin, tu vois, enfin, il essaye de sortir comme un péquenaud, et il se fait cueillir comme une fleur. C'est vrai. Si on continue dans les personnages, évidemment, c'est O'Gallivan, le bad guy de la première moitié de saison, Ouais. qui a de l'ampleur, qui s'avère assez menaçant. On sent qu'on va pas s'en défaire aussi facilement que ça, de ce mec-là. Au final, il se retrouve buté avec un parapluie dans la bouche, etc., pour après, en deuxième moitié de saison, être ramené et piétiné, quoi. Enfin, ils avaient un personnage à peu près intéressant, à peu près pas trop mal conçu, enfin voilà, qui collait plutôt bien, magouille politique et compagnie. Et là, mais quand il revient par Hugo Strange, qu'ils le font devenir Azrael et compagnie, mais what the fuck? Mais c'est quoi le projet là? Bah, en fait, ça les arrangeait bien qu'il se soit un mec de l'ordre de Saint-Dumas, et du coup, ils ont repris le truc et tout. Ça m'a pas non plus complètement choqué, dans le sens où, de toute façon, là, la série fait ce qu'elle veut de la mythologie, et ça, je le défends. Enfin, ils refont leur propre mythologie, du coup, ils Ah ont bah ça juste c'est sûr. repris le nom Azrael. Et on sait tous que Azrael, c'est pas ça. Enfin, c'est pas juste un mec qui a été ramené par Hugo Strange, et une espèce de zombie aux ordres de quelqu'un. Ce qui est lourd, c'est le fait qu'en effet, il dit toujours la même chose. C'est vrai qu'il est complètement vidé, c'est devenir juste une arme humaine, et c'est tout. Bah si c'est pour en faire ça, pourquoi le faire revenir tout simplement? Enfin, autant en mettre un autre, quoi. Bah, oui, en fait, surtout, ils n'ont pas à s'exploiter le fait que ce soit la gueule de Galavan. On le voit juste apparaître à la télé, et 2 épisodes plus tard, il se fait exploser la gueule. Donc, Ouais. oui. Pourquoi lui en Après, fait? Pourquoi le ramener lui et pas ramener ben le vrai qui aurait pu très bien être dans l'entrepôt, dans le truc là où Hugo Strange stocke les personnes qui ramènent petit à petit, plutôt que de ramener Galavan. Enfin, pourquoi? mais je te dis, c'est parce que c'était un mec de, enfin c'était quelqu'un de l'ordre de Saint-Dumas. Dans son bouquin, c'était logique, parce que c'était facile de lui faire croire qu'il était investi d'une mission divine, etc. Enfin, il y avait voilà, il y a tout ce truc-là. C'est tout le prétexte, c'est l'ordre de Saint-Dumas, clairement. Ils ont fait Galavan en faisant non seulement que ce soit un revenant, mais en plus que il ait ce côté terrifiant avec Il est ce côté terrifiant en étant indestructible et en ayant complètement un autre nom, quoi. Mais de ce côté-là, oui, c'est vrai que c'est pas. Le fait que ce soit d'abord Galavan et ensuite un nom donné par Hugo Strange, c'est pas complètement exploité. Oui, ça c'est vrai. Ben oui, parce que enfin, à ce compte-là, quitte à mettre Azrael, autant mettre Jean-Paul Vallée. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait que ce soit Gal. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi ramener Galavan, pourquoi pour en faire un pseudo Azrael alors qu'il se suffisait à lui-même et qu'il était mort et que c'était très bien comme ça. Et que enfin là, ouais, ils sont partis dans un truc. J'ai pas Oui, trop. puis c'est pas la même mission en plus entre Galavan lui-même et Azrael. Oui, y a rien quoi. Enfin, oui, il va reconnaître Bruce et il va se rappeler que oui, effectivement, fallait qu'il tue Bruce ou je sais pas quoi. Enfin. Ouais, ok, mais bon, non, c'est un peu nul ça. Et du coup, le deuxième grand méchant de la saison, Hugo Strange, on a commencé à en parler, en directeur d'Arkham, enfin en médecin psychiatre d'Arkham qui tire un peu les ficelles, qui est joué par BD Wong et qui est visuellement, en tout cas, très synchro avec ce qu'on connaît de Hugo Strange. Il est Après, plutôt bien grimé, hein, BD Wong, hein. oui, après les lunettes, tout ça, enfin voilà, voilà, on sait Hugo Strange. Visuellement, c'est Hugo Strange, je ne me suis pas trop fait de soucis là-dessus. Après, Hugo Strange, d'où Hugo Strange donne naissance à tout le panthéon de vilains de l'univers Batman. Bah, je te dis encore une fois, c'est la mythologie de la série. C'est pas forcément voulu comme étant les canons de Batman. Je pense que Bruno Heller, Danny Cannon, tout ça, se sont dit que, enfin, se sont vraiment dit qu'ils n'allaient pas réadapter le truc. Ils ont fait un parti pris et ça se voit après aussi dans d'autres méchants, hein, ne serait-ce que Firefly, dont on parlera après. Après, ils ont inventé un truc. Enfin, je trouve que cette idée de résurrection est quand même très comique et colle plutôt pas mal à l'univers Batman. Tu vois, ça fait sombre, un peu dégueulasse, glauque. Ouais, ça, ok. Mais du coup, en faisant ça, en faisant que tous ces méchants-là sont créés par Hugo Strange, mais du coup, ils perdent tous leur histoire. Bah, qu'est-ce qu'il écrit? Il y a Firefly, mais c'était déjà un peu Firefly Basile Carlo, avant. Euh, Clayface. euh, bah on fait que les voir pour l'instant. Bah ouais, mais du coup, Clayface a été créé par Hugo Strange, etc. Et il a plus son histoire. Oui, les bad guys les plus importants. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est pas les plus gros. Tu vois, c'est pas comme s'il avait créé le Joker non plus. Bah, on peut peut-être s'en rendre compte plus tard, on sait pas encore, hein. Ça se trouve, on n'a pas tout découvert de lui, hein. On sait pas ce qui va sortir de ce camion, hein. De ce bus plutôt. Oui, c'est un parti pris. Après, c'est pas non plus super mal fait. Puis surtout, on n'en a vu qu'un aperçu aussi. Et Bref, voilà, ça m'a. C'est bizarre, ça m'a pas plu. après, ça colle relativement avec sa personnalité et même celle qu'on nous vend. Tu vois, c'est d'un manipulateur extrêmement intelligent, vraiment brillant. Qui le un mec, c'est quand même un des mecs qui a déduit dans les comics l'identité de Batman. Et là, tu vois, ça en fait un adversaire vraiment balèze parce que jusqu'au bout, Jim, il se fait avoir. D'ailleurs, il est à deux doigts, voilà quoi. Donc Ouais. Mais voilà, c'est ce côté créateur de tout le Panthéon, moi ça me ouais, bah gêne. après, Je pense que ça posera problème plus tard. faudra voir Plus tard, il y a. comment. On va voir comment ça se goupille en saison 3. Et on arrive sur Bruce Wayne, qui est Je sais pas ce que tu la préférais. princesse en détresse de la série. Bah, il prend un peu plus de bouteilles, donc il est moins emmerdant qu'avant, je Ouais, mais trouve. c'est toujours la princesse à venir sauver à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va se trouver dans une situation où il va falloir qu'on vienne tirer ses fesses de là, que ce soit Alfred, que ce soit Jim Gordon ou même d'autres. Des fois, c'est Catwoman qui vient le sauver. Mais voilà, c'est la princesse en détresse de la série. Lui, c'est pareil, tu vois, c'est juste un Bruce Wayne, c'est pas encore Batman, voilà, il est juste Ah un petit peu non, on en est naïf et loin, on en jeune est loin, et on en est loin, ça c'est sûr. Bah, non mais tu vois, c'est un jeune gamin naïf de 15 piges qui dit non mais je suis déterminé et donc je peux déjà mener mes propres actions et Alfred a beau lui dire tu sais c'est un peu en mode Sheldon genre I told you so il continue il se met dans la merde Effectivement bah, c'est ça. déterminé et un peu son côté enfant gâté. Moi, je vais aller vivre dans la rue, ça va m'endurcir. Ok, mais oh, c'est chaud ça. Oui, non, mais c'est comme s'il avait conscience qu'il allait devenir un personnage avec énormément d'importance et qu'il voulait aller plus vite que son destin, quoi, Bruce Wayne. Ouais, c'est peut-être qui sait qui va devenir Batman. Bref, enfin voilà. J'espère pas pour lui, mais bon. Je l'ai trouvé. Moins agaçant que dans la première saison, quand même. Ouais, mais tout aussi désolant. Bah, sauf sur le passage, tu sais, où tu vois qu'il piège Silver et qu'il a en fait il a engagé les trucs. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, enfin pas trop C'est mal. son moment de gloire de la saison, on va dire. Voilà, Mais pour le exactement. reste de la saison, c'est quand même une sacrée tête à claque. Ouais, mais bon, après, c'est pas lui le personnage principal, tu vois, quelque part. Donc, il est pas non plus, il est pas assez agaçant pour être vraiment une plaie dans les pattes de la série, je trouve. Non, parce qu'on ne le voit pas assez pour ça. Voilà, mais ça, c'est parce que c'est S'il y pas le avait le même personnage temps principal d'écran, pour moi. même s'il y avait le même temps d'écran qu'un, ne serait-ce qu'un pingouin ou un de ceux qui étaient les grands méchants de la saison, là, je pense que ça aurait été plus difficile à vivre. Ah oui, Donc, là, t'aurais effectivement, été on est un plus. peu sauvé par le fait qu'on ne le voit pas beaucoup. D'ailleurs, le Voilà. meilleur épisode de la saison, ça a été l'épisode où il n'y avait ni lui, ni Céline. Ouais. Et Oui. c'est un épisode que j'ai même dit, enfin, j'avais même dit à la fin, putain, il était bien celui-là. Ouais, bah Bah, c'était c'est un celui des avec le meilleurs. Riddler. Oui, c'est ça, c'est Oh, hein, ça. c'est celui où le Riddler fait tomber Gordon. Et ouais, Oui. effectivement, j'avais dit, il était bien. Et c'est après en réfléchissant, je me dis, bah ouais, mais il n'y avait pas Bruce, il n'y avait pas Selina, il n'y avait pas, je sais plus lequel troisième n'était pas là non plus. Je dis, ouais, il n'y avait pas les trois connards, quoi, en fait. Et du coup, bah, c'était cool. Ça fonctionnait plutôt bien. Après, il fallait évidemment le décontextualiser de la mythologie Batman aussi, hein, et se détacher de ça. Mais voilà, cet épisode-là était pas mal. Parce que Selina, c'est un peu même combat que Bruce pendant cette saison. Ouais, mais elle, pareil, quoi. Elle modifie pas tout le temps. C'est toujours C'est toujours une une tête casse-couille. brûlée. Une tête brûlée, surtout, voilà, quoi. Et un peu péteuse. Oui, aussi, oui. Mais bon, est-ce que Catwoman l'est pas un peu, quelque part? Non. Non, elle n'est pas péteuse, Catwoman. Elle a un petit côté, peut-être bobo, ce que Arrogant. tu veux, arrogant ou quoi que ce soit, mais elle n'est pas péteuse, méprisante ou quoi, comme peut l'être cette Selina-là, qui est détestable. Moi, un des Bah meilleurs ouais, moments de la saison, c'est quand elle se prend une tarte. Quand elle est attachée, là, ou je sais pas, quand elle est sur sa chaise, là, et qu'elle se prend une patate, quelque chose de bon, voilà, c'est peut-être le meilleur moment de la saison pour le personnage, pour moi. elle aussi, elle est pas assez présente pour être assez emmerdante. Oh, bah déjà, le peu qu'on la voit, c'est suffisamment chaud comme ça. Donc, effectivement, heureusement qu'on n'est pas plus là. Alfred, et puis après, on aura fait le tour, on va s'arrêter, hein, parce que. Alfred, il est pas mal. Bon, Alfred, Alfred, voilà, c'est le Alfred. il est fidèle à lui-même, voilà, c'est. Black Ops, un peu ancien agent, un peu paramilitaire et tout. Voilà, très Alfred de Terre 1. Voilà. À la rigueur, lui, je l'aime plutôt bien. Ça passe. Ça passe. Moi je l'aime J'ai bien. pas trop de reproches à lui Oui, non, faire. mais tout ce qui doit être Alfred, voilà, et puis même ensuite par rapport à la série, vraiment cet engagement dans le dark et tout, bah il reste, enfin c'est un bon Alfred. C'est même plutôt le personnage le plus lucide de la série, hein, le plus. Concrètement, complètement, oui. C'est lui qui voit, il entrevoit les trucs avant tout le monde. Même Gordon à côté de lui fait tête brûlée, hein. Oui. Non, alors que oui, Alfred a ce côté un peu, certes un peu brutasse, mais quand même voilà, hyper lucide et bon. Du coup, ça passe et bon, lui, ça va, on va dire. Donc voilà, il nous reste pas d'autres personnages réellement. Voilà, on va parler des vilains qui sont introduits maintenant par Doctor Strange, Mister Freeze, surtout lui, Mister Freeze, et puis on a Basil Carlo, on a Firefly. Mister Freeze a un épisode d'origine qui est assez intéressant, assez fidèle à ce qu'est le Mister Ouais, Freeze qu'on connaît. mais Et ça aurait pu être pire, franchement. ça m'a du coup un peu surpris de voir sa femme malade qui meurt, etc. Et tout ce qu'il fait pour la sauver, etc. Voilà, on a quand même là pas mal de choses de l'essence même du personnage. C'est très touchant en plus. Enfin, c'est pas trop dans le pathos. C'est plutôt pas trop mal mené. Alors dire que Et j'étais touché, j'irais pas jusque-là non plus. mais ouais, mais ça avait quelque chose comme ça. Tu vois, c'est quand même sa femme qui décide de se mettre le mauvais médicament, quoi. Oui, mais ça c'était. Attends, ça c'est bon, là, on l'avait vu venir. Oui, mais tu vois, enfin, c'est pas, je dirais pas, tu vois, je vais pas jusqu'à dire que Gotham est une série révolutionnaire, pas non plus, j'aime, mais voilà, au-delà de ça, ça reste assez efficace, même si sans être révolutionnaire, ça reste efficace. Et Mister Freeze, dans ce sens, c'était plutôt pas mal. Tu vois, le personnage était sympa, il était plutôt bien joué, l'acteur joue vraiment bien. Voilà, ils ont fait tout un épisode d'Origins, qui se tenait, Bon, et qui du coup, avait. grâce à Strange, on a trouvé le moyen de ne pas l'éliminer tout de suite du jeu et que du coup, il puisse rester. Oui, Bon, en ça gros. aurait été peut-être un peu de gâchis aussi, tu vois, Alors s'il qu'on était. aurait mal, on aurait mal un peu. On aurait sans doute mal compris que Mister Freeze meurt avant que Batman existe. Oui, aussi, oui. Bon, à un moment où voilà, faut quand même respecter un minimum de choses. Bon, on a Firefly. Je trouve. Elle est trop anecdotique pour l'instant, enfin dans la saison. Elle est. Pathétique. Et puis Clayface, donc Basil Carlo. Mais on le voit, on fait que l'entreapercevoir, Clayface. Oui, qu'on entreaperçoit seulement, mais qui au final n'a rien de gueule d'argile, quoi. Pour l'instant, pour Et l'instant. même, enfin, gueule d'argile, c'est un mec en argile, quoi, qui arrive à changer de forme et compagnie. Là, c'est juste un mec qui a le visage super élastique. Ouais, mais on verra après. D'ailleurs, mais ils nous prennent pour des cons, c'est pas possible. Comment on peut trouver crédible que merde, comment il s'appelle? Le pote de Strange. Bullock. Comment on peut trouver crédible que Bullock ne capte pas que c'est pas Jim Gordon qui est en face de lui? Le mec est à côté de la plaque, surtout. Il a des réactions, mais c'est complètement improbable. Il est teubé, il est débile, ce type-là. Et C'est Bullock le... se fait avoir et croit que c'est Gordon. Mais d'où ça se passe comme ça? Mais je pense qu'ils l'ont vraiment, joué à l'absurde, quoi. Parce que, tu vois, ils ont montré à quel point Bullock, tu vois, il réfléchit surtout avec son flingue et avec ses poings plutôt qu'autre chose. Et puis à la fin, ils se rendent compte de la supercherie juste parce que Barbara lui colle une tarte. Tu vois, Mais donc. le problème aussi, c'est que Bullock, à un moment plus tôt, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou début de la saison 2, on te fait comprendre que c'est la personne qui connaît le mieux Jim Gordon, qui est capable de. Enfin, ils ont une relation quand même très spéciale. Quand Jim Gordon joue la comédie, il n'a pas besoin de lui dire, il le voit et du coup, il le suit et ça permet du coup de sortir de certaines situations. Et là, il ne le reconnaît pas. Oh! Ouais, non bah oui, bon bah c'est là qu'on voit que Bullock est un peu con, tu vois, mais bon. Non, c'est là qu'on voit que les scénaristes sont cons. Bah c'est comme ça qu'ils l'ont écrit. Moi, enfin, je pense que vraiment que c'était un truc à prendre sur le ton de l'absurde. C'était pas. Voilà, de toute façon, ça dure pas assez, quoi. Non, mais c'est pas une comédie, c'est pas une parodie, c'est pas une comédie. Donc à un moment, si tu caractérises Bullock comme étant la personne qui connaît super bien Gordon, qui est très complice avec lui, qui connaît la moindre de ses réactions, etc., tu vas pas nous vendre derrière, même sous prétexte de l'absurde, qu'il ne reconnaît pas. Oui, Enfin, qu'il non mais voilà, c'est pas possible. après je oui c'est vrai tu enfin en tant que spectateur tu vois ça et tu te dis Ouais, tu mais fais des bons, réfléchis deux quoi. secondes regarde sourit trop alors que Gordon ne sourit jamais oui Déjà. non mais c'est sûr mais Voilà, c'est vraiment. Mais c'est qu'un exemple, hein, parce qu'il y a plein d'intrigues qui sont un peu comme ça, un peu bancales. Mais là, c'était quand même la goutte d'eau, quoi. C'était le truc vraiment que tu peux pas avaler. C'est pas possible. ouais. Non mais non c'est vrai. Le bloc est con, oui, c'est clair. Et puis bon, le fait que ce soit Barbara qui lui. Voilà, le visage et tout. Non, c'est très genre, ouf, what the fuck. C'est ça, c'est ça. Et puis à la fin, on a ceux qu'on attendait, hein. On avait bien compris qu'ils allaient arriver on avait beaucoup de rumeurs, on avait bien compris que quelque chose se tramait dans Gotham et compagnie. Et donc voilà, dans les deux derniers épisodes, on nous introduit les Halls, la Court of Halls, et ça me fait peur. De toute façon, c'était plus ou moins ce qu'on nous avait teasé en première partie Oui, de saison. voilà, mais là, de les voir dans cet écran de télé et tout ça, ça me fait très très très peur pour la suite. Ah, les Halls, c'est ceux C'est qui les sont les hiboux, ouais, c'est ça. supérieurs de Hugo Strange. Oui, la cour des hiboux, ouais, c'est ça, ouais, ceux qui. Ah, d'accord. Ouais. Oui, non, j'avais compris. Et de les. Voilà, là, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Bon. La saison 3 va forcément tourner aussi autour d'eux, en plus de cette histoire du bus et des personnes qui sortent de ce bus-là. Mais. Ouais. Mais ils sont là, quoi. C'est-à-dire qu'ils auront tout osé. Ils ont été chercher tout, même les trucs les plus récents, et voilà. Voilà, je sais pas si je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire de la cour des hiboux, parce que c'est vraiment un des ajouts des dernières années, un des ajouts à la mythologie Batman que j'ai trouvé les plus intéressants et Ah, c'est balèze, oui, quoi. j'ai un peu peur, quoi. À la sauce Bah... Gotham, passer à la moulinette Gotham, je sais pas ce que ça va donner. Non, j'attends de voir, parce Mais que les bon. talonnes, quoi. Enfin, tout ce qui va avec, quoi, du coup. Oui, mais bon, là, on n'en a pas vu assez. Moi, je suis assez intrigué pour savoir qui peut contrôler comme ça Hugo Strange, voir comment ils vont le goupiller. Si c'est une histoire un peu, tu vois, machiavélique, une machination, plus ou moins comme Galavan l'a un peu introduit, pourquoi pas? Après, il faut se dire que encore une fois, c'est Gotham qui réactualise, qui le refait, qui. Ah bah c'est sûr, ça le refait à sa sauce, hein. Ça, je me doute bien que ça va pas être la cour des hiboux qu'on connaît. Non. Et voilà, il faut partir de ce postulat-là pour Gotham. Après, Après, faut je sais pas pas, que. Non, j'arrive pas encore à me dire que c'est comme ça que j'ai envie de la regarder, parce que ça porte ce nom-là, parce que voilà, et j'arrive pas à me dire que je regarde autre chose que l'univers Batman, et ça fait un peu mal des fois. Notamment quand on voit qu'on désamorce, dans cette série, on désamorce une bombe nucléaire avec un verre d'eau. et ça c'est même pas Gotham, tu vois, c'est plutôt l'Amérique, ça c'est ce truc ce truc de complètement improbable pour désamorcer une bombe nucléaire, ils l'ont fait à toutes les sauces et Ah toutes les oui, manières là. possibles. Là, avec un verre d'eau, et juste il capte que ce qu'il peut utiliser de l'eau parce que quelqu'un lui demande un verre d'eau à boire. Ah non, mais ça c'est Il l'Amérique, ne ça. comprend pas et qui croit que c'est un indice et qu'il va verser de l'eau sur ce putain de minuteur et que du coup, oh, la bombe nucléaire va s'arrêter. Mais on va où? Ouais, non, mais ça, je te dis, c'est l'Amérique. Enfin, c'est pas. Voilà, Bah, enfin. c'est l'Amérique et c'est aussi Gotham quand même. Enfin, ça colle quand même Oui. pas mal aussi avec l'histoire de Gordon, de Bullock qui reconnaît pas Gordon. Enfin, il y a quand même pas mal de choses comme ça qui sont hyper limites. Et là, la bombe nucléaire, c'est aussi quelque chose. Voilà, ça vient couronner tout ça, quoi. On va dézinguer avec un coup de bazooka. Ouais, bah en fait, j'ai. Mais ça, c'était tellement jouissif. Enfin, ça, j'ai tellement jouissif, tellement drôle. Oui, c'était drôle. Là, pour le coup, oui, Drôle, Galavan tellement. qui se fait exploser à coup de bazooka, oui, c'était drôle pour le coup. Mais tu vois, en fait, ils ont vraiment fait un truc très comique. Je trouve que dans l'ambiance, l'atmosphère, les décors et tout, ça faisait très comique. Tu vois, ce truc un peu sombre, un peu, voilà, et un peu où tout est un peu possible parce que tout est tellement genre. Toutes les frontières se sont tellement piétinées, etc. Le simple fait que Hugo Strange ramène des gens à la vie. Et en fait, ils sont parfois allés trop loin, tu vois, avec cette histoire de double de Gordon, voilà, que du coup, qui ralentit complètement Bullock parce voilà, il sait pas le reconnaître. Ce truc, tu vois, d'avoir ramené Fish Mooney avec une espèce de pouvoir. Ouais, mais du coup, I'm Fish Money, bitch. Oui, c'était ouais, et puis surtout, enfin, le fait qu'elle sache qui elle est, ouais, non, mais c'est ça, Bon, ça. par contre, ça, c'est bien. La première fois qu'elle dit I'm Fish Money, my name is Fish Money, bitch. Voilà, elle est quand même hyper badass. Ça fait rire. Moi, ça m'a fait rire, mais ça m'a plu. Enfin, ça m'a fait rire dans le bon sens. Par contre, ils sont pas obligés de lui faire redire 3 fois par épisode après, quoi. Oui, bah en fait, ça fait très, ça colle beaucoup au personnage, quoi. Ce truc d'affirmation de femme forte. Mais du coup, ils insistent tellement sur ça. Ils auraient pu lui faire dire d'une autre manière, mais c'est toujours la même phrase. C'est toujours cette même réplique. C'est là, elle a été drôle une fois, ok, mais du coup, après, elle perd tout son intérêt. Lui faire Ouais. redire en permanence, My name is Fish Money, bitch. Bah ouais, mais ok, mais c'est bon, on l'a entendu 3 fois dans l'épisode précédent, on va se calmer. On va passer Ouais, à autre chose. c'est spectaculaire. Bon. Je voilà. Parlons de ce final maintenant, de ce toute fin de saison, avec ce bus qui s'échappe donc d'Arkham, avec à son bord toutes les créations du Beau Strange qu'on n'a pas encore vu. Évidemment, ils arrivent à s'enfuir, ils vont être répandus dans la ville, ça va être un des points d'intrigue de la saison 3 avec la cour des hiboux qui a été introduite. On n'en voit pas un seul, enfin si, on en voit un, on nous en présente un à la toute dernière seconde. On ne sait pas qui c'est. Bah si, Hein? bah, on le voit quand même. On le voit, mais alors du coup, j'ai peut-être mal vu ou Bah mal Bruce, appris. enfin, c'est le sosie de Bruce, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Il ressemblait beaucoup à Bruce Wayne, oui. c'est David Mazouz qui le joue, donc en même temps, oui, il ressemble beaucoup à Bruce Wayne. Ah C'est Bruce Wayne avec des cheveux longs, quoi. C'est Ah oui. donc en fait, est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est le frère de Bruce Wayne qui a été aussi introduit dans la mythologie Batman à l'époque de la cour des hiboux? Voilà, qui c'est? Est-ce que c'est voilà, qui est ce Bruce Bis? Voilà, ça peut être un mystère à la rigueur qui peut être intéressant à suivre. Voilà. Maintenant, Bah... je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir deux fois plus de David Mazouz dans la saison 3. C'est-à-dire que là, en fait, ce serait vraiment un parti pris de se dire, bon, on est en saison 3, faut aussi un peu plus en mettre à Bruce Wayne parce que, bon, il reste quand Bah, il même, grandit quand même, hein. voilà, ça reste quand même un personnage assez important. Là, c'est clairement, ouais, une manière d'opposer, enfin, de faire une opposition de style à Bruce Wayne, as we know it. Ouais, donc Et. ils vont le mettre un peu plus au centre. Et du coup, je suis pas sûr d'avoir envie de plus de Bruce Wayne, enfin de plus de David Mazou, c'est-à-dire deux fois dans deux personnages, ça veut dire potentiellement 2 fois plus de présence à l'écran. Surtout, en lui donnant un deuxième personnage à interpréter, je pense qu'il surévalue un tout petit peu ses capacités de jeu d'acteur. Oui, un tout petit peu. Oui, c'est bien possible. Je suis pas Après, sûr que le jeune homme soit capable de jouer deux personnages différents. oh bah tu sais, Ça, enfin, on sait vraiment, jamais. enfin, Après, on parle de ce sera David peut-être pas. Mazouz, hein, c'est pas Tatiana Maslany. Hein. Ah oui, Il se la mais retrouve sur Terre. mais ce sera peut-être acheter un talent en attendant. Enfin, Ouais. mais bon, il faut. Mais non, c'est un pari. Là, clairement, de faire un tournant, le tournant Bruce Wayne. Et là, c'est à eux de voir comment ils y vont. Et de toute façon, c'est aussi relativement logique dans le sens où Bruce Wayne est un espèce d'enjeu dans cette saison avec Galavan qui voulait le tuer, etc. Oui, on sent que voilà, c'est le Son of Gotham, machin, tout ça. Oui, voilà, il y a quelque chose sous Bruce Wayne. Ok. Et derrière Calavan, c'est peut-être déjà la cour des hiboux qui manipulait, voilà, parce que on sait que la cour des hiboux a une rivalité avec la famille Wayne. Ils ont, voilà. Ok, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Enfin, d'avoir envie de plus de David Mazouz, quoi. Et puis, mais quand même, ça marche. C'est-à-dire, c'est un cliffhanger où effectivement. Bah, tu vois ce mec-là, voilà, l'image se débrouille petit à petit et tu reconnais David Mazouz, qui dit thank you à la mamie, là. Et tu te dis, ah ouais, ok, mais c'est qui? Bah, tu te poses quand même assez de questions pour avoir envie de venir voir qui c'est la saison d'après. Même si ça fait peur, tu t'es quand même suffisamment intrigué et le cliff marche du coup suffisamment bien. Ouais, il est pas mal dans l'ambiance dans l'ambiance vendue, tu vois, un peu glauque de ruelle de Gotham, etc. Ouais, non, c'est. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fin de saison 1 où il n'y avait aucun cliff. Il n'y avait clairement rien qui me donnait envie de revenir à l'année d'après. Enfin, t'avais rien en suspens à la fin de cette première saison. Non, si je me Enfin, t'avais souviens pas bien. d'enjeu, de trucs. Là, on te présente quand même un bus avec toutes les créations d'Hugo Strange qui vont se répandre dans la ville. On t'a introduit une espèce d'agence, d'organisation ultra secrète, les hiboux, qui menaient leur bateau jusqu'à Hugo Strange. On te met ce double de Bruce Wayne. Là, il y a quand même plus de choses qui te disent, ok, il y a quand même des mystères, il y a quand même des choses qui restent à élucider et qui ont un peu de potentiel. Voilà. Ils ont mieux réussi la saison 1 que là dans la saison 1 où t'as juste Fish Mooney qui jette dans le vide. Et le King of Gotham, voilà, c'était Puis ça dans quand même. cette idée qui donne fil à retordre à la ville, qui font ce que sera la ville, tu vois, dans son identité un peu, voilà, créatrice de monstres, et en même temps contribue à la formation de Bruce Wayne. Et là, ils prennent vraiment ce pari-là de manière plus établie encore, en créant un double David Mazouz. Donc Oh la putain. question, c'est. Mon cœur a. Quand t'as dit un double David Mazouz, là j'ai eu une petite crise d'angoisse qui a commencé. Ah, ça risque de te prendre plusieurs fois, hein, parce que si on l'a pour toute une saison, t'es pas Me fais pas peur, c'est bon, laisse-moi l'été pour m'y préparer. On va quand même. rendu. Voilà, y a une chose qui va quand même nous mettre d'accord, puisque jusque-là, on est quand même pas beaucoup, beaucoup d'accord sur plein de choses. Quelque chose que je dois reconnaître à cette série, c'est son esthétique visuelle. La manière de projeter l'univers et d'envoyer le spectateur dedans est vraiment bien goupillée. C'est beau, les décors sont beaux, Bien foutu, ouais. les looks des personnages, à part Freeze, la première fois où on l'a vu, on avait un peu peur, mais dans l'ensemble, au niveau du look des personnages, ça colle bien avec l'aspect de cette ville-là, enfin voilà, on a quelque chose visuellement de très travaillé, voilà, clairement, ils mettent de l'argent dans l'aspect visuel. Maintenant, faut remettre dans le C'est scénario. sûr. Dans cette ambiance, dans cette esthétique qu'ils créent là, ils permettent vraiment montrer la ligne et qui, comment dire, et dont on sait que tout peut en sortir, tout peut arriver, tout peut avoir un espèce qui arrive, qui emmerde Gordon, qui emmerde la police, qui emmerde maintenant Bruce Wayne. Et ça c'est bien, tu vois, dans l'univers, au moins dans la forme, la série loupe pas son coup, quoi. C'est ça. Elle a au moins cet aspect-là que je lui concède. Après, pour le reste, voilà, pour faire un petit point global avant de, voilà, on va parler maintenant, est-ce qu'on revient ou pas la saison prochaine? Parce que c'est la question rituelle à la fin de chaque bilan de saison. Donc je vais te la poser, est-ce que tu reviens ou pas pour la saison 3? Ah bah je sais pas quand même, si oui. Ah oui. Évidemment que tu seras là, je serai là aussi, hein, voilà, on refera sans doute notre bilan à juste deux, à moins que quelqu'un parmi les auditeurs, voilà, peut-être que Gotham va nous apporter plein de nouvelles personnes, hein, après nous avoir apporté Léo, voilà, si quelqu'un parmi les auditeurs veut venir en parler avec nous, quelqu'un qui aime aussi, ou quelqu'un qui n'aime pas comme moi, et voilà, n'hésitez pas à nous proposer, hein, de venir participer au prochain bilan de la saison 3, hein, puisque la saison prochaine, on va évoluer un petit peu et du coup, on aura juste le bilan de saison. Donc, si vous voulez venir en parler en fin de saison 3, il n'y a aucun problème. Après, moi, je serai là aussi, je suivrai cette saison parce qu'il y a quand même deux ou trois choses qui ont piqué mon intérêt sur le season final. Mais après, globalement, voilà, sur cette saison 2, enfin, la série a continué à piétiner la mythologie, à lui marcher dessus, à s'essuyer les pieds, enfin, à lui faire toutes les atrocités possibles, mais elle l'a fait un peu mieux que la saison 1. Moi, je dirais qu'elle a continué à bâtir sa propre mythologie un peu mieux que la saison 1. Je continue à défendre que cette série vraiment rebâtit un peu sa mythologie. Et de fait, dans la manière dont, enfin, dans le choix de la période d'exploration, etc., elle s'est du coup permis quelque chose et elle l'assume complètement et elle le fait plutôt pas mal en remodelant un petit truc là. Parce que de toute façon, de base, ils partent d'un postulat qu'il y a quelques méchants, tu vois, qui seront là. Bruce Wayne qui est jeune, donc il y a forcément quelque chose à en faire, et de là, bah, il se dit, bon, bah, on respectera pas vraiment bien cette mythologie, mais on va la refaire. Hein. L'exemple le plus frappant, et moi, ça m'a vraiment plu qu'il le fasse, c'est le Joker, enfin, le Joker, Jérôme, plutôt. C'est-à-dire qu'il le tue pour nous dire, bah ouais, bah, c'était pas le Joker, et vous avez continué à bâcher la série là-dessus parce que vous vous êtes dit, bah, c'est lui, franchement, de qui se moque-t-on? Gotham, ça reste la ville et c'est ça qui provoque qu'il le tue. C'est même pas galère ou quoi. C'est le fait que pour arriver à ses fins, il faut mettre les moyens pour arriver à la fin de ses intérêts, de ses ambitions, etc. Et le tueur nous a un petit peu laissé le doute sur est-ce que c'est le Joker, est-ce que c'est pas le Joker. Au final, c'était juste un espèce de taré de plus. Et les gens, ils ont juste projeté leur truc et ont pas, voilà, ils ont dit, bon, bah voilà, Gotham se fout de nous, etc. Et il Après, s'avère que c'était sur pas non plus le cas. le Joker, je suis pas aussi définitif que toi, parce qu'il me semble quand même bien l'avoir vu dans un des bassins de Hugo Strange. Ah ouais? Donc, qu'il sorte du bus, de là à ce qu'il sorte du bus, à mon avis, il n'y a pas beaucoup. Mystère, on verra. J'ai pas vu, moi. Donc, J'ai pas vu ce genre. il me semble, hein, voilà, je voudrais pas être définitif là-dessus, parce que j'ai pas non plus fait hyper attention à tous C'est les détails de possible, la hein. série, hein, on va pas aller jusque-là, mais Mais il me semble avoir vu. il a bien récupéré Fish Money, hein, donc Voilà. de toute façon. Pourquoi n'aurait-il pas récupéré Jérôme? Bref, on va s'arrêter là. On a fait un bilan plus long que ce que je pensais, quand même, de Gotham. On se retrouve alors la Comme semaine quoi. prochaine, mardi, pour le Il y en MAG. a Le MAG deux. qui sera le numéro 49 et qui sera peut-être l'avant-dernier de la saison. On se retrouve également la semaine prochaine, donc jeudi, ce sera le bilan de Supergirl, la saison 1 de Supergirl, qui était sur CBS à l'époque, hein, et qui va passer la saison prochaine sur CW. Et puis on se fera également la semaine prochaine, le week-end prochain, le bilan de la première saison de la série Stan Lee's Lucky Man. Ah. Et puis après ça, il ne nous restera plus qu'à tirer un bilan global de cette saison télé, où on égrènera un petit peu le classement des séries qu'on a suivies cette année, de la pire à la meilleure, en tout cas d'après nous et d'après vous aussi, puisque vous avez déjà normalement à l'heure où vous écoutez cette émission en ligne sur comicstories.fr le questionnaire qui nous permet d'établir ce classement pour vous. Voilà. Donc allez faire un tour sur comicstories.fr pour répondre à cette question et élaborer avec nous le bilan de cette saison de la série télé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit sur le site, sur Twitter ou sur Facebook, ou même par mail, redac@comicstories.fr. Je peux peut-être profiter de cette émission pour mentionner notamment un commentaire qui nous venait. Alors attendez, souvent je remonte un petit peu en arrière dans les mentions. Ouais, un petit commentaire un peu sympa sur nos débriefs ciné là qu'on a fait récemment. On sait qu'on a eu Sur quand même, X-Men. on a eu de nombreux clashs entre Arnaud et Irish, notamment concernant le cinéma et ce qu'on attend quand on va voir un film de comics, etc. Donc on a le commentaire qui a été fait sur Twitter de Conan McFly qui nous dit enfin heureux d'écouter une émission ciné qui parle ciné, plaisir de vous entendre parler réalisation, photo, etc. Même un peu. Absolument d'accord avec Mathieu, mais là je pense qu'il voulait surtout dire Arnaud, sur la vision du ciné, et du coup pas d'accord avec la personne qui disait autrement, Irish, qui disait pas vouloir forcément du grand art. Or, je crois que même les films de genre doivent avoir de l'ambition. En tout cas, merci pour cette émission où l'on cherche pas forcément à réduire ce genre super-héros à du simple divertissement. Voilà, c'était en gros le commentaire qu'il nous a laissé, et puis après on a discuté un petit peu. Si vous voulez remonter sur notre fil Twitter, vous trouverez ça. Voilà, bah merci Conan McFly du coup pour cet avis, et on en tiendra compte, et effectivement, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu plus de l'aspect ciné pur quand on parle des films de comics et qu'on s'intéresse un petit peu plus aux films qu'on nous présente, et pas seulement à l'adaptation, à l'histoire, etc., mais vraiment au film, en tant Mais que. je suis d'accord avec ces. Pour moi, c'est très important, il faut le faire aussi. N'en déplaise à Irish, tant pis, il sera le seul à penser le contraire, mais voilà. Pour moi, on a certes une adaptation de comics, mais on a aussi et surtout un film. Et voilà, j'aimerais que dans les prochaines adaptations, en tout cas, on oriente encore plus que ce qu'on a pu le faire récemment sur l'aspect film, que voilà, en tant que film. Alors, est-ce que c'est bon en tant qu'adaptation de comics? Ok, mais aussi en tant que film, est-ce que c'est bon? Et du coup, c'est bien qu'on en parle dans Gotham, parce que Gotham, en tant que série, c'est loin d'être dégueulasse. En tant qu'adaptation, Non. c'est lamentable. Et là, il y a du coup cette vraie dichotomie qui se fait. Donc c'est pas mal qu'on parle de ce commentaire dans cette émission au final. Et du coup, s'il y a des personnes qui connaissent un peu, qui s'y connaissent un peu en cinéma, parce que nous, on a Arnaud qui est quand même un peu notre Monsieur Cinéma, entre guillemets, qui a même de parler technique et compagnie, voilà. S'il y en a d'autres qui veulent venir se frotter un peu à nous dans nos débriefs de films la saison prochaine, et axer du coup un peu plus, proposer une partie un peu plus ciné pure, art du cinéma en tout cas, eh ben, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et à poser, on vous accueillera avec grand plaisir. Je sens, Léo, que tu es en train de dire des choses, mais comme tu saccades, du coup, j'entends que des syllabes. Donc. Allez, on se Je suis quitte. d'accord avec tout ce que tu dis. Parfait, parfait. Oh, tu auras ton chèque à la fin de la semaine, comme d'habitude. On se quitte, on se quitte pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour toutes les émissions dont on vient de vous parler. Bonne série et à bientôt. Salut!